Dès le troisième mois de son installation rue Vanneau, Madame Marneff avait reçu M. Crevel, devenu tout aussitôt maire de son arrondissement et officier de la Légion d'honneur. Crevel hésita longtemps. Il s'agissait de quitter ce célèbre uniforme de garde nationale dans lequel il se pavanait aux Tuileries, en se croyant aussi militaire que l'empereur. Mais l'ambition, conseillée par Madame Marneff, fut plus forte que la vanité. Monsieur le maire avait jugé ses liaisons avec Mademoiselle Héloïse Brisetout comme tout à fait incompatibles avec son attitude politique. Longtemps avant son avènement au trône bourgeois de la mairie, ses galanteries furent enveloppées d'un profond mystère. Mais Crevel, comme on le devine, avait payé le droit de prendre, aussi souvent qu'il le pourrait, sa revanche de l'enlèvement de Josépha par une inscription de 6 000 francs de rente au nom de Valérie Fortin, épouse séparée de bien du sieur Marneff. Valérie, douée peut-être par sa mère du génie particulier à la femme entretenue, devina d'un seul coup d'œil le caractère de cet adorateur grotesque. Ce mot « je n'ai jamais eu de femme du monde » dit par Crevel à Lisbeth et rapporté par Lisbeth à sa chère Valérie, avait été largement escompté dans la transaction à laquelle elle dut ses 6 000 francs de rente en 5%. Depuis, elle n'avait jamais laissé diminuer son prestige aux yeux de l'ancien commis voyageur de César Birotteau.